de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. Hind à Brezhoneg, la leçon de breton quasi quotidienne sur RKB, c'est pas ça, mais c'est presque ça. On entend Guerriou Arvu tous les jours, et puis une fois par semaine, on enregistre une émission nouvelle. C'est l'émission 527, Pemkan Seis Warnugen aujourd'hui. Ça va, Henri? Matri. On commence par Guerriou Arvu. Voilà, alors aujourd'hui, je pensais parler du mot LAN. LAN, alors on avait déjà parlé de ce mot-là à l'émission 18. Il y a plus de 500 émissions. Ah oui, ça fait un moment alors. Oui. Voilà. Et donc, c'est pas par hasard, c'est parce qu'au début du mois de décembre, l'Institut culturel de Bretagne a choisi l'Ajon, j'en avais déjà parlé, hein, en breton LAN, comme emblème de la Bretagne, comme plante emblème de la Bretagne. Et donc, il y avait eu une consultation sur Internet. Je n'avais pas participé sur Internet, mais j'avais dit ici que je souhaitais que ce soit l'Ajon qui soit la plante emblématique de la Bretagne pour pas mal de raisons. Il y avait le blé noir aussi, non? Oui, il y avait le blé noir, la bruyère. Mais l'Ajon, quand même, je trouve que c'est vraiment le symbole, en plus de la Bretagne centrale. Hein. Voilà. Donc... le mot land, donc, c'est un mot féminin qui s'emploie avec l'article al, hein, puisque quand il y a un l, on utilise l'article al. Voilà, land, donc, voilà. Alors, du point de vue botanique, l'ajon est une plante de la famille des légumineuses, hein, et de la tribu des papillonacées. Légumineuses? Oui, légumineuses, ouais, qu'on appelle les fabacées maintenant dans les nouvelles classifications, mais. Bon, j'aime bien, ouais, les légumineuses, quoi. Alors, il apprécie le climat breton et le sol de l'Armorique, hein, le sol acide. Hein. Et donc, c'est une plante qu'on trouve un petit peu partout dans l'ouest de la France et même ailleurs. Par exemple, on la trouve à l'île de la Réunion. Il y avait un prêtre breton, un missionnaire qui avait emmené une pochée de graines d'ajon à la Réunion. Et ça a eu un succès considérable. Vers les 1000 mètres d'altitude, à La Réunion, il y a des ajoncs partout. Quoi. Incroyable. Ouais. On le cultivait en Bretagne. Ah oui, en Bretagne, on le cultivait pour la nourriture des chevaux. Donc, mais c'était on prenait les jeunes pousses, hein, ah oui. Et on les broyait, justement, quoi. C'était très appétant. Marcel Guillou, il dit que quand on donnait de l'ajon à un cheval, du jeune ajon qui était bien broyé, il laissait rien dans la... Il n'y avait plus rien dans l'eau. Oui, oui, c'était le pillar land. Alors, autrefois, on faisait ça avec un marteau en bois. Hein. J'en ai vu un qui traînait à la ferme chez mes oncles, là, à Kerenkéré. Un marteau en bois alourdi avec des pièces de métal, hein. Un gros maillet, là, qu'on appelait morsel land. Et on faisait ça dans une auge en pierre. Et après, alors, on a eu des machines Pillarland, qui étaient des sortes de densileuses sur place qu'on faisait tourner avec un manège de chevaux. Et puis, par la suite, on a mis un moteur. Moi, j'ai vu faire ça au moteur chez mes oncles à Pumrit. Voilà. Et il y avait une chanson, quoi, sur le Pillarland, et une danse, d'ailleurs, hein, une danse du Léon, hein. Pilam douce, tralala, pilam blanc de blanc, man, kama trezen bene blav, que tout drey en man. C'est guerre. Derner en beuve, vos DBZ, à derner le vos maro, à derner le vos partilleux, de gervigine drapeau. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses, hein, sur l'ajon, beaucoup de chansons où on parle de l'ajon, justement. Alors, Henri, quand on parle de l'ajon, land, c'est la plante ou c'est aussi les espaces? Parce qu'on a beaucoup de lieux-dits avec land, landvraz, oui, Kerkvesterland, Croiserland. Oui, oui. Il y avait une idée de... C'est un vieux mot indo-européen et qui donne l'idée d'un territoire aussi, quoi. Hein. Donc, par exemple, souvent, il y avait un ermitage, par exemple, hein, avec le nom d'un saint, par exemple, ou d'un ermite. Et donc, on obtient la forme land, quoi, qu'on retrouve dans en allemand, par exemple, dans les Länder. Hein, on trouve ça... c'est à la fois un territoire et une plante, quoi. Hein. Et puis, c'est la formation botanique, hein, landek, hein. Donc, il y a deux pluriels, landou et landeyer. Hein, quand c'est plus précis, on dit l'an nous, les landes de quelqu'un, par exemple. Et quand on parle des landes en général, c'est l'an d'ailleurs. Voilà. Alors le poète José María de Heredia, dans un poème qui s'appelle « Soleil couchant », avait dit « Les ajoncs éclatants parurent du granit, d'or l'âpre sommet que le couchant allume. Hein, » c'est beau, hein. Et il y a tout ça. Alors, au point de vue botanique, donc il y a plusieurs espèces. Hein. Donc il y a l'ajonc d'Europe, « Ulex europaeus » en latin, hein, donc qui est l'ajonc le plus commun. Il y a l'ajonc nain aussi, qu'on trouve surtout au bord de la mer, qui est rabougri et tout petit. Et puis un hybride entre les deux qui avait été identifié par un botaniste morbihanais qui s'appelait Le Gall et qu'on appelle l'ajonc de Le Gall, qui est un hybride stable entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de ses parents pour se reproduire. Il s'est affranchi en quelque sorte. Et il y a Toussaint Le Garec, donc, qui était un poète kergristois, qui a écrit beaucoup de choses, beaucoup de poèmes, qui a écrit sur l'ajonc aussi, qu'il considère déjà comme l'emblème de la Bretagne. Hein. Par exemple, il a écrit « Teso gavtin penkila troat, henvel des orbreizat, breuder on pemdaven, dans le nevel planéden. » Donc nous sommes frères, et comme des frères, et nous avons le même destin. Toussaint Le Garec a écrit beaucoup de poèmes, en particulier des poèmes botaniques, on pourrait dire, sur les plantes de Bretagne, quoi. Il est mort en 1939, il était né à Kergrist, hein, et après ses parents étaient partis à Glomel. Et il a fini à Morlaix où il a édité lui-même ses poèmes, quoi. Ce serait bien qu'à Kergrist, on s'en souvienne un peu. D'accord. Toussaint Le Garec. Toussaint Le Garec. Ouais. Voilà. Eh ben, on va s'arrêter là pour l'ajonc. En actant ma tente maintenant. Oui, alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque c'est la dernière émission de 2016 et la première de 2017. Donc c'est l'émission des vœux, une blaveuse mode. Hein. Blaveuse mode zou étendard, blaveuse mode gandoué, aventure va te rayouan, de rigos prespolité. Tu chantes trop bas pour moi. On y donne, c'est une onze blanévé. Ma or content nîme gano, à ma norque nîme zirano, mais de don gandoule va, de zouéti blaveuse mode.

Wardaschen ur politikeres, gout ur an tout vo o bla ispici a l'on tamp, pud ur vo redibab d'ur président neve, vi mont war kador ur republik. Kador veur ur republik, tron d'Agobert ve la revanche, kont lak. Hag, amant vo kas de changement nive, Wardaschen politikeres, pud ur vo lak d'ensemble zo nebet strolad ou paroujou, Dover strolad neve, gwen gant pempoul armor ar gwaad agglomération, zezo GPT ar gwech ha, zezo naun technokrat elon tam, ka piou jonj o man deus strolad GP, ha ha ha. Met bon, zera yo pez strolad parouj o, pe dur zo seiz barouz war a hanter kant barz, a setu vo... O strolat parouj a yeil deus ploura garnoet betag enez vriad d'un bon zera on tamma de hend ma trezen vo sterd la katou d'un dud semblez de bala gevridigez vit komp zon tamm deus un endro vraiment alis o aler labour dou arve komp zon deus un endro kalz ur aktres ou zo evit lakad energie espa d'us bavro da skouer gant tourio avel. Bon, vezhen amzor vezhech ble war ze, me me meustra, tam a tam, me ya an traou ar og. Vi pez ez el deus greizen energi ez lan divizio, ne ket gwalz kler an traou, sans oa de bout lak et an traou ba miz here tramenet, me ben e fin deus ket get labour yo beroaz, hag bon bro Europa neus larn matrezen oa ket dereet ar beurze, ne ket zur vo gred an draze. Gwellet vo pez a mod o kon. Komz an montan bremañ deus un endouarn, ka e dizor e labour yo war linien TGV, linien tiz vraz, ma peusoan, hag rog fin e bla, ad lef e an trai o mont vouni sor trepar iz a Brest. Gwellet vo pez a mod vo kon, met... pelzo a bet lance de nafers a bon torste de von un dro. Tout de war amb man Franche Hollande o echu i ferm war gador ur republik a pe oa bet kambal i vid vej di ouzan oa a pen plaso ni oa bet promet kalz dro vid ur brezon da skouer vij e bet zin de karta ur yez ou gwasket bon benefin un trao nint de tambid ur rog Kiniget zo bet un dant velen gant Paul Molac, un el gant Anil Ogwerou, a benefin, un traou zo chom vel oan. Hag ne ke zur, banam zor de zon vo gwell ar un traou, setu vo ret, de stourmerien, der un stourm vid ar yez ou gwasket, hag amman vid ar brezon hag a juzmat, ne veso oa bet de ran de ner an zo bet zer gant ar redadeg. Putur bet daoul a vegret redadeg hag nantor deus un erran zo bet roet ur skolio diwan hag nantor el zo bet ran tre kevridigezio an eus o rak trez benek dit ar brezonek da skouer brudan a skignan eus bet 16.000 euro hag a ganze vo moyen marad ar tambo trao bon hag kevridigez daouel eus bet un tamer an deus A déjà avec comme ce des arrêts de Deauville Triver plus dur zira digla ou aller ou becro de redade ag maison vos guet 1050 km quand redade de Deauville Triver ag goût de rendre déjà et tram d'autre gwen gamba à Pempoul bon nevisso Alice Gontandar Jiwas de Studet de Normand A ne veso e adjan ma iskreñ po de nuel gwa de nanan de noa de rouezeg a perugen la jan ma iskreñ oa on den oa reo bern trou kontor kaner hag o stoumer oa an dachen ar politik erez a zo chom tfeal der ma di venozio bon setu la ramdan kenavo jan ma iskreñ Hag bon, moyen skriven eus obe an trao, hag eus obe dim banned, hag vo ratkavet i skridou evel just chomo pez neus begret. Bon, sentu un tamm deus pez so neve bavro, hag la ramdar oaz blavez ma de tout un dut, hag blavezma de RKB, de skip a RKB, de rezo hor war drog an ur gevridigez. A tien ar vegel. Blavezma de rekeno.